Ils l'éprouveront de façon terrifiante. C'est sous ce titre que l'Agence télégraphique centrale de Corée a publié un commentaire. Voici le résumé. Le 6 dernier, les États-Unis ont publié le rapport de son département d'État sur le problème des droits de l'homme dans notre pays et la liste des objets de sanctions spéciales du département de trésorerie qui s'ensuit pour mettre en cause notre direction suprême. À ce propos, le ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a lancé une déclaration pour condamner l'action américaine comme un péché mortel et revendiquer catégoriquement aux États-Unis de renoncer tout de suite et sans condition aux mesures de sanctions préjudiciant à notre prestige suprême. Sur ce, il a averti solennellement qu'en cas de refus, tous les espaces et communications de contact diplomatique coréen-américain seront bloqués et des contre-mesures ultra-dures seront prises. En fait, l'hostilité américaine envers la Corée n'est rien d'autre que les emportements désespérés pour empêcher la progression victorieuse de notre République, remportant toujours prodiges et innovations étonnants en dépit de leur chantage nucléaire et des sanctions politiques et économiques. Étant donné que les États-Unis n'abandonnent point les complots politiques vilains en se moquant de nos avertissements réitérés, ne traiterons nous aussi tous les problèmes posés dans les rapports avec les États-Unis selon la loi en temps de guerre de notre République. Les gouvernants américains éprouveront de façon terrifiante l'absurdité et la témérité de leur action portant atteinte à notre prestige suprême.